Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Julia Kristeva, la psychanalyse et le besoin de croire. Pour ceux qui s'intéressent à la psychanalyse, on sait peut-être que dans son fameux écrit sur les actes obsédants, puis ensuite dans l'avenir d'une illusion, Freud a essayé de montrer comme la religion relevait en fin de compte d'une activité de sublimation illusoire et d'une certaine façon était en fin de compte assez proche de ce que l'on appelle la névrose obsessionnelle. C'est une thèse qui d'une certaine manière a été acquise, a été reçue en tant que telle pendant des décennies et c'est précisément tout l'intérêt de l'ouvrage de Julia Kristeva aujourd'hui aux éditions Bayard, dans cet incroyable besoin de croire, de se réinterroger sur cette position freudienne et de se poser des questions sur cette volonté de croyance ou cet élan, ce désir de croyance qui est inscrit le plus profondément dans le cœur de tout homme et où elle plaide d'une part pour la reconnaissance de ce désir et en même temps pour un examen critique qui fait que l'on comprenne pourquoi ce désir, vers quoi il tend, ce qu'il dit de l'humanité et d'une certaine manière, comment il peut être assumé, mais il peut être assumé en pleine lucidité. Pour ce qui est de Freud, l'opinion généralement retenue, l'idée que pour Freud, la religion est une illusion. Et il développe en effet comme homme de lumière cette conception des choses en s'insurgeant en effet très violemment contre l'obscurantisme, contre un certain nombre de vérités non scientifiques que la religion véhicule et qui conduisent à la névrose, à une censure sur le corps et à la limite à une incapacité de développer la libre pensée, la question du doute et la possibilité même d'interroger les dogmes. Tout ça est présent chez Freud, mais quand on regarde de près aussi bien ce texte que des lettres au pasteur Pfister ou la correspondance avec Romain Rolland, on se rend compte que sa position est beaucoup plus subtile. D'une part, au niveau de l'évolution de la vie psychique de l'enfant, il insiste beaucoup sur ce qu'il appelle l'attente croyante qu'on va retrouver aussi bien dans le sentiment océanique de la dépendance entre mère et enfant que dans des figures paternelles sur lesquelles on n'insiste pas beaucoup mais qui sont antérieures au père édipien et qui permettent de comprendre la vie psychique de manière beaucoup plus fondamentale comme étayée par ce besoin de croire. Et je me suis un peu appuyée sur ces moments importants de la pensée de Freud pour les développer à partir de mon expérience personnelle en tant qu'analyste et en tant que, on va dire, femme, écrivain, intellectuelle, citoyenne. Ce qui m'a conduite à ces questions, c'est non seulement ce que Freud nous a légué, mais ce qu'on voit dans l'actualité et face aux fameux heurts des religions, beaucoup de patients se posent des questions qui les conduisent pas forcément dans une religion, mais qui les conduisent à se poser des questions sur à quoi ils croient, qu'est-ce que croire, peut-on ne pas croire, amour et croyance, Et même s'il ne se pose pas les questions, l'analyste se demande qu'est-ce qui étaye, qu'est-ce qui soutient toute la construction que l'adulte va produire et qui, elle, va le conduire à la liberté, qu'elle soit sexuelle, idéologique ou politique. Donc tous ces fondements de la vie psychique qui passent par le besoin de croire m'ont apparu en friche, et d'ailleurs nous sommes un certain nombre parmi les analystes aujourd'hui à faire des colloques, des publications à cet égard. J'ai essayé de le faire de ma façon, j'espère, plus ouverte au grand public. Avant d'aller plus loin, Julia Kristeva, est-ce qu'il ne serait pas bon de faire une distinction entre ce qu'il est convenu d'appeler la religion d'une part et le besoin de croire de l'autre? Parce que je pense évidemment au fameux texte de Freud sur les actes obsédants, et je dirais à une certaine pratique de la religion, une certaine pratique du rite. Il suffit de penser à ce que dans ma jeunesse on appelait les grenouilles de bénitier, pour me dire que c'est un texte quand même qui s'applique effectivement à beaucoup de gens. Tout à fait. Oui, Freud a insisté sur l'obsessionnalité de la ritualisation, sur la névrose, sur la censure du corps, la fermeture du doute et du questionnement, tous ces effets négatifs sur lesquels les Lumières, et Freud était un homme de lumière, ont focalisé leurs attaques, et ils ont raison de le faire. C'est quelque chose qui est encore vivant, et il ne s'agit pas du tout, quand des gens comme moi s'intéressent à la religion, d'oublier cet aspect des choses. Mais il a aussi montré qu'il y a un étayage qui est antérieur au système de croyance, vous venez d'appeler tout à l'heure les religions, et que j'appelle, moi, un besoin pré-religieux de croire. Et qui se trouve justement dans la constitution de la capacité même de parler de l'être humain. Homo sapiens, c'est un homo religiosis, avant d'être homo economicus et homo politicus. Et c'est cette coprésence de paroles et croyances qui m'a paru extrêmement intéressante à interroger. Quand on voit l'évolution de l'enfant, si l'enfant ne croit pas et s'il n'est pas cru, il y a quelque chose de lacunaire dans sa construction psychique qui l'empêche d'accéder au désir de communiquer. Donc, ces subtilités-là que j'essaye un peu de décortiquer dans mon texte. Alors, précisément, en vous écoutant, Julia Kristeva, je pense quand même à la correspondance à laquelle vous avez fait allusion avec Romain Rolland, dans laquelle on sait que Freud, à un moment, dit qu'il est aussi fermé à la mystique qu'à la musique. Bon, et là, on a l'impression, d'une certaine manière, qu'il y a presque d'a priori idéologique ou de constitution personnelle de Freud, je n'en sais rien. Et est-ce que, précisément, aujourd'hui, on n'est pas obligé de le reprendre d'une manière différente? Absolument. Je trouve que Freud procède, je viens de le dire, comme homme de lumière, mais aussi avec une extraordinaire honnêteté. Et quand il dit qu'il est fermé à ce besoin de croire, comme il est fermé à la mystique ou à la musique, je crois qu'il dit quelque chose de sa constitution, avec énormément de franchise, comme un regret et comme un aveu de limite, qu'on peut interpréter aujourd'hui comme une difficulté vis-à-vis du continent noir, c'est-à-dire ce qu'il appelle le continent noir, le maternel, le féminin. Ce n'est pas qu'il n'a pas levé le sparadrap sur ce continent noir, puisque en investiguant l'hystérie, il nous a permis de voir beaucoup et très loin, aussi bien du côté de l'hystérie féminine que de l'hystérie masculine, et donc du féminin, de l'homme et de la femme. Mais il reste là quelque chose, il est resté quelque chose de non analysé, et je pense qu'une grande partie du post-freudisme s'est bâti sur l'intérêt concernant les relations précoces mère-enfant. Que ce soit chez Melanie Klein, chez Winnicott, Bion, la psychanalyse française aujourd'hui, les différences que nous faisons entre l'amante et la mère, les relations précoces, encore une fois, mère-enfant, etc., vont dans ce sens. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel que Freud a désigné presque comme un testament. Allez voir de ce côté-là. Et en même temps, je reprends ce qu'on appelle l'apophtegme de Freud. Vous savez que sa phrase, comme ça, qui résume un peu la démarche psychanalytique, est la suivante. Là où c'était, je dois advenir. Là où c'était, c'est-à-dire l'inconscient, mais aussi la mémoire ancestrale, la tradition, et c'est un travail impossible, c'est comme dessécher le jus d'Herzay, dit-il en conclusion. Et en même temps, il fait, en parlant de la mystique, il fait presque un rapprochement entre le travail du mystique et le travail de l'analyste. Le mystique est celui qui fait advenir le ça dans le moi, c'est-à-dire que les couches profondes, ce qui est irreprésentable, ce qui est sensible, ce qui est pulsionnel, pour employer le langage de la Société psychanalytique de Paris, engloutit le moi, envahit le moi. Ce sentiment océanique, par exemple, pour prendre une autre métaphore, que l'enfant éprouve dans les bras de sa mère et qui à la fois le contient mais aussi le noie, bien, le mystique va le faire advenir dans le moi. Le moi est en contact avec ses couches profondes indomables, d'où l'extase, d'où la perte qu'on trouve de Saint-Jean de la Croix à Eckhart ou Sainte-Thérèse, si on veut voyager à travers les siècles. Eh bien, Freud va dire quelque chose d'assez troublant. Il se produit presque la même chose à l'analyse, mais c'est le moi qui intervient dans le ça. Autrement dit, la rencontre entre le moi et le ça se fait, mais sous la commande du moi, en psychanalyse. Autrement dit, je plonge, je retrouve mes archaïsmes, mon côté infantile, mais au lieu de me laisser engloutir, je les élucide, ces rencontres, ces archaïsmes. Donc il y a plus de lucidité, pense-t-il, du côté de la psychanalyse, parce qu'il va y avoir de l'interprétation, parce qu'il va y avoir un contact avec l'analyste, parce qu'il va y avoir un travail de la raison, de la parole, et moins de régression. Alors, ça se discute, parce qu'on peut dire que quelqu'un comme Sainte-Thérèse, sur laquelle je travaille en ce moment, a beaucoup d'élucidation de ses états de régression, quand elle écrit son château intérieur ou son chemin de perfection. Mais on peut dire aussi, et je me place du côté de Freud, que l'interprétation des régressions du point de vue de la sexualité, par exemple, est une nouveauté qu'il a introduite et qui renforce le moi dans ses rencontres avec les régressions. Vous voyez, on est en bord à bord là, dans les derniers Freud, entre mystique et psychanalyse, avec cette différence que du côté de la psychanalyse, le moi est plus fort, pense-t-il, espère-t-il. Et encore, le jus d'Herzay est loin d'être desséché, tandis que du côté du mystique, c'est plutôt une régression, une noyade, et le terme de la baignade, en effet, est très, très fréquent dans ces parages, qui s'impose. Est-ce que tout de même il n'y a pas, je dirais, un rapport profond de la psychanalyse, de l'œuvre de Freud principalement, avec la tradition judaïque, avec la tradition chrétienne? Je veux dire que dans l'expérience mystique, vous faisiez allusion à Sainte Thérèse d'Avila, vous faisiez aussi allusion à Maître Eckhart, on voit très bien comment l'idée est quand même celle d'une union au divin. Et qu'on se noie, effectivement, mais que, bon, lorsque Sainte Thérèse d'Avila, dans son autobiographie, rappelle la transverbération, ce qu'il a préparé, il y a quand même une subsistance du moi. Alors que je pense à ce que lui opposait Romain Rolland, à Freud, c'est-à-dire l'Inde, et il travaillait sur Ramakrishna. Le sentiment océanique, c'est effectivement la vision de Ramakrishna, de la déesse Kali, de cette espèce de fracas de lumière et de disparition totale du moi. Et on a l'impression là-dessus que Freud, et ceux qui l'ont suivi d'ailleurs, sont beaucoup plus proches de la tradition occidentale. Certainement, mais Freud n'ignore pas la fragmentation totale. Simplement, il va la référer probablement à des états plus archaïques du narcissisme infantile et quasiment une expérience de limite, d'état limite, sinon de voisinage avec la psychose. Il en parle d'ailleurs à Romain Rolland à partir du sentiment océanique qu'on évoquait tout à l'heure, où l'enfant est dans les bras de la mère, où il perd ses contours et en même temps il est soutenu. Et en effet, on trouve ces états-là dans les expériences mystiques, en particulier dans les spiritualités orientales, mais aussi dans la tradition judéo-chrétienne. Si vous relisez Thérèse d'Avila, on lui a souvent reproché, quand elle parle de ses extases, il y a des moments où la suspension des puissances, comme elle dit, l'élimination de tout contrôle de l'entendement, de la volonté, etc., de la mémoire, vont dans le sens que vous dites. Simplement, ce qu'il y a dans notre tradition judéo-chrétienne, c'est qu'on peut émerger de tout ça et on encourage l'émergence. Et l'émergence, c'est la constitution du sujet qui fait un avec un Dieu un. Et ça, c'est quelque chose qui constitue le sujet occidental, à la fois dans une dialectique de perte, mais aussi de reconstruction. Et on voit dans l'itinéraire de ces mystiques, la reconstitution pas à pas, station par station, demeure par demeure, dira Thérèse dans son château intérieur, de cette dialectique-là. Alors, ce qui se passe dans la pensée de Freud, c'est qu'il n'insiste pas trop sur la perte, qui lui paraît en effet mettre en danger l'autonomie du sujet. Il insiste davantage sur comment se récupérer de tout cela, mais sans forcément ignorer l'élément jouissif de cette expérience spirituelle. Et là, j'ai insisté sur un point qu'on n'a pas beaucoup, je crois, mis en lumière dans les théories analytiques, c'est ce que Freud appelle dans le moi et le ça, le père de la préhistoire individuelle. Quand je dis ce terme, qui n'est abordé que très rapidement lorsque Freud parle de l'identification primaire, quand je dis ce terme, les gens pensent au père de la horde primitive qui est tué par les frères pour que le socius se ferme et se forme. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Freud parle d'une identification très précoce, primaire, dit-il, de l'enfant avec une instance paternelle qui n'est pas encore le père de l'Édipe, qui va dire non, qui va imposer des règles et qui va aller du côté du père sévère, du dieu de la loi. C'est un père aimant qui est la première occurrence de la tiercité entre la mère et l'enfant et qui empêche la dyade mère-enfant de sombrer dans l'agglutissement, qui va reconnaître l'enfant, qui va être en quelque sorte le premier pôle d'amour et de reconnaissance réciproque et qui va en ce sens être l'appui de la croyance avant que je puisse savoir ce que je crois. Nous savons tous combien l'enfant dans l'évolution va passer à un stade où il va éclater de questions, il va se poser toutes sortes de problèmes, il va demander qu'est-ce que c'est ceci, qu'est-ce que c'est cela, etc. Mais pour qu'il puisse adresser ces questions, il faut qu'il se sente étayé par quelqu'un qui croit en lui et dans lequel il croit. Et c'est cette figure-là de la première identification que Freud appelle le père de la préhistoire et qui est le père aimant. Je pense que c'est là-dessus que se fonde le Dieu chrétien qui nous a aimés toutes les églises sont pleines d'évocations concernant cette instance-là. C'est la gloire et la force du christianisme, y compris aujourd'hui, devant un délabrement de la fonction paternelle, l'absence des pères, etc. Les jeunes des JMJ sont tout à fait ravis d'entendre cette parole-là. Et dans l'histoire de la vie psychique, cette instance-là est souvent carencée. C'est aussi ce que le psychanalyste fait, tout simplement en étant là, en assurant le cadre, en écoutant, en étant dans une compréhension et dans un investissement de son patient. Et je reviens sur ce thème d'investissement parce que Freud dit l'enfant investit le père et le père investit l'enfant dans une attente croyante. Or, si vous remontez au terme sanskrit d'investir, c'est le terme de cred, de la racine cred strat, qui veut dire j'investis ma force vitale en attente de récompense. On me promet l'immortalité ou ce qu'on veut. Eh bien, cet investissement est un investissement psychique qui nous intéresse beaucoup, nous analystes. Comment être capable d'investir quelque chose ou quelqu'un avant que ça devienne une valeur ou un objet de connaissance. Et c'est ces fondements-là très archaïques de la constitution de la vie psychique que j'appelle, moi, un besoin pré-religieux de croire. Puisque vous faites allusion à la racine indo-européenne, cred, Julia Kristeva, est-ce qu'il ne faut pas se rappeler en même temps que cred, ça a donné le crédit ? Tout à fait. Benveniste le rappelle bien, ça a donné la créance. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on fait crédit à ce père, d'une certaine manière, et à la limite, est-ce qu'on n'a pas une créance sur lui ou est-ce qu'il n'a pas une créance sur nous ? Est-ce que ce n'est Tout pas aussi le problème qui peut se poser ? C'est cet investissement-là qui, en effet, crée une dette par rapport à la paternité, d'où l'importance de cette figure d'investissement primordial qui m'oblige parce que je l'oblige. Et c'est peut-être la racine du lien social, mais il faut pas oublier qu'il est précédé par ce sentiment océanique d'appartenance au contenant maternel. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la liaison implicite, si l'on peut dire, entre ce qui est de l'ordre de la mystique et ce qui est de l'ordre du continent noir. Est-ce que là, nous ne trouverions pas des pistes pour réfléchir à ce qui... Enfin, moi, je suis d'une région dans laquelle on est généralement agnostique rieur, c'est-à-dire de dire toujours, ce sont les bonnes femmes qui vont à l'église. Et je veux dire qu'on voit bien comment, généralement, et pratiquement dans toutes les cultures, il y a un lien beaucoup plus fort du féminin au religieux, Que du masculin généralement. Est-ce que ça, c'est pas de ce côté-là qu'il faudrait chercher ? Je pense que notre civilisation sécularisée a fait un grand pas en avant du côté du féminin en libérant le désir des femmes, le désir de savoir, le désir de créer des liens. Par contre, on a oublié la vocation, et je pèse mes mots, maternelle, et qui va dans la direction que vous soulignez, et qui conduit les femmes à l'église, ou dans d'autres recherches de spiritualité. C'est-à-dire ce lien ancien, pré-religieux, mais aussi translinguistique, sensoriel, à l'enfant. Accouchement, soins précoces, fusion avec quelqu'un qui n'est pas encore un autre, qui vient de moi, qui n'est pas moi, l'élaboration de ces dépendances-indépendances archaïques. Et là-dessus, nous n'avons pas de discours culturel. Je dis pourquoi ? Parce que nous avons la Vierge Marie, qui est l'exemple de cette mère contenante et sacrifiée, mais nous n'avons pas de discours laïque là-dessus. Parce que là, on est dans une religion, je veux dire, une région, qui n'est pas forcément une religion, du sensoriel, du pré-verbal ou du transverbal. On est dans des impondérables, ce n'est pas forcément des concepts, ce n'est pas des interrogations, ça se passe beaucoup au niveau des pulsions et des sensations. Mais comme disait Cézanne, je m'intéresse aux racines de l'être, aux sources de l'impalpable sensation. Et ces régions-là, c'est l'art qui les célèbre aujourd'hui, c'est l'art qui le met au grand jour. Il y a beaucoup de femmes dans les églises, mais il y a beaucoup aussi dans les musées. au-delà de ce que vous dites sur la maternité, Julia Kristeva, est-ce qu'il ne conviendrait pas, lorsqu'on s'intéresse au phénomène religieux, lorsque je dis religieux, en réalité, en vous interrogeant, c'est le mot mystique que j'ai dans la tête. Mmh. Est-ce qu'il ne conviendrait pas de s'interroger sur la féminité en tant que telle? Mmh. C'est-à-dire, finalement, de redécouvrir le fameux 20e séminaire de Lacan. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la mystique quelque chose qui nous dit une vérité de la sexualité féminine, ou est-ce que la sexualité féminine ne nous éclaire pas sur le phénomène mystique? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pourquoi j'ai fait ce triptyque qui s'appelle le génie féminin, où j'essayais de sortir du féminisme de masse, qui est une revendication d'émancipation sociale, pour parler de l'individu féminin et de sa génialité, c'est-à-dire son exceptionnalité. Et j'ai insisté beaucoup, pour rejoindre le domaine psychanalytique, sur une sorte de double articulation de la sexualité féminine. Une très forte dépendance vis-à-vis du contenant maternel, ce que j'appelle l'Édipe prime. La relation de la fille à la mère est à la fois d'adhésion, d'érotisation extrême, de dépendance, et en même temps de grande violence. Mais ça reste refoulé parce que ce sur quoi met l'accent la société, c'est ce que j'appelle l'Édipe bis, c'est-à-dire l'identification de la fille au père. Je vais aller du côté de la loi, je vais aller du côté du savoir, de l'interrogation, je vais devenir un être social, et tant mieux. Mais chez chaque femme, il y a les deux aspects. Et si on refoule le premier, on est très facilement déçu par le jeu social. Et la femme se sent la paria de ce jeu social. Ou alors, elle a le choix de devenir une sorte de virago. Femme maîtresse, beaucoup réussissent, à quel prix, d'autres non. Mais il y a toujours un sentiment, même si on réussit, d'être étrangère à ce monde-là. Et ce que Hegel va appeler éternelle ironie de la communauté. Et pour recoller les deux bords, l'Édipe prime et l'Édipe bis, il faut un véritable travail analytique, pour ceux et celles qui ne sont pas croyantes, pour essayer de faire un va-et-vient permanent entre ces deux morceaux-là, ces deux lambeaux de la psyché féminine. Si on ne le fait pas, on est davantage victime de dépression, parce que le continent maternel reste refoulé et je m'exile en lui, mais ce n'est pas reconnu et je boude. Ou alors, on est happé par des spiritualités qui parlent de ça, mais qui sont à l'extérieur du champ social. Et à plusieurs reprises, Julia Kristeva, vous vous êtes servi du mot génie ou du mot génialité. Bon, alors, j'entends bien qu'évidemment, ce n'est pas le génie romantique tel que nous l'avons connu. Apparemment, vous revenez je dirais, à un sens beaucoup plus ancien, beaucoup plus fondamental. De Genius, de Daimon. Mais en même temps, ne faut-il pas se rappeler que la racine indo-européenne de génie, le gen, c'est ce qui a aussi donné le genos, c'est-à-dire qu'on est du point de vue, justement, de l'engendrement. Et l'engendrement lui-même, finalement, a la même racine. C'est-à-dire, est-ce que le génie n'est pas quelque chose qui est ancré, quand même, dans la quelque part du côté de la maternité, finalement? Écoutez, pour moi, le génie, si je maintenais ce terme, c'est un peu de manière polémique pour attirer l'attention sur l'exceptionnalité, sur la singularité. Parfois, je dis à mes amis féministes, moi, je ne suis pas féministe, je suis scotiste. Et ça renvoie à Dan Scott, que vous connaissez bien, ce moine qui est mort en 1308 et qui disait que ce qu'il y a de vrai, ce n'est pas les idées générales, je simplifie, ni la matière opaque, mais l'eceitas, la singularité, cet homme-ci, cette femme-là. Et c'était une manière d'appeler... Si je me rappelle bien, la fameuse différence entre le quod et le quid. Voilà, tout à fait. Chez Anne Arendt, ça peut prendre pages et des pages là-dessus. Mais c'est que l'être lui-même est singulier. Donc, il y a de la singularité dans l'ontologique. Bon, mais pour en revenir à la naissance... C'est quelque chose qui me paraît passionnant dans le monde moderne où, pour chercher la réalisation de cette féminité qui, on vient de le dire en répondant à votre question antérieure, occulté par la poussée vers la performance phallique ou sociale, qu'est-ce qu'elles font les femmes ? Quand elles ne se tournent pas vers des formes de religiosité diverses et souvent qui obscurcissent leur mental et leur désir de savoir, les ramènent à certaines formes de régression, ben elles sont addictées à procréer. Il y a une espèce de ruée vers la maternité, mais une maternité qui n'est pas éclairée. Elles veulent accoucher, une espèce c'est même pas, comme on le dit souvent, un instinct, c'est un besoin d'accomplir la relation narcissique à un objet qui d'ailleurs va être parfois sacrifié sous la forme de congélation ou de sacs de plastique, mais il aura existé. C'est quelque chose d'un effet très démoniaque, d'avoir un autre que je maîtrise, avec lequel je suis en osmose et en même temps que je dénie. C'est quelque chose de tragique pour ces femmes-là, parce que la pensée de la maternité, on le voit encore une fois, est lacunaire, absente dans notre culture. Mais si nous essayons, en tant que psychanalystes ou philosophes, de réfléchir là-dessus, c'est un grand service qu'on va apporter à la civilisation, parce que on sera sur un thème fondamental qui est la naissance comme liberté. Nous savons très facilement et peut-être parfois trop facilement, qu'on a identifié la liberté avec la révolte. Je suis libre si je vous dis, Jean-Michel Cazenave, je réponds pas à vos questions, on va faire la révolution dans la rue et on est dans la transgression. Bien, contre cette liberté de transgression, Kant, dans le contexte de la Révolution française où la liberté de transgression a conduit aussi à beaucoup de crimes, dit la liberté, et je résume encore une fois schématiquement, ce n'est pas la contestation, c'est l'initiation. C'est-à-dire quand je commence, c'est le commencement, c'est l'autocommencement et tout commencement, c'est l'initiative. Heidegger va le reprendre en disant, bon, il y a ça, mais il y a aussi la liberté rencontre. Et dans notre édition judéo-chrétienne que vous avez évoquée, la liberté est la rencontre avec autrui qui conduit à mon épanouissement, mais aussi l'épanouissement de l'autre, avec certaines contraintes qui me sont données par l'existence même de cet autre. Elle est donc modulée. Mais la liberté comme naissance et comme rencontre avec autrui, quelle année le commencement, quelle année le prémisse ontologique. Et c'est Hannah Arendt qui, en relisant Saint-Augustin, va nous donner la réponse. C'est la naissance. C'est le fait que nous naissons libres et éphémères. Et donc, la mère, la femme, se trouve à un point angulaire de la civilisation, puisque, jusqu'au nouvel ordre, les enfants sortent de l'utérus de la femme, et le moment de la naissance est crucial, bien sûr pour le père aussi, mais physiquement, existentiellement, mobilise la mère. Et donc, les clés de la liberté comme commencement et rencontre avec l'autre, c'est de ce côté-là, du féminin maternel. Et alors, je reviens au deuxième aspect de la question, est-ce que c'est seulement une génération au sens physiologique ? Pas nécessairement. On arrive, encore une fois, dans ce monde sécularisé, et beaucoup de femmes me le disent dans des débats, je ne veux pas avoir d'enfant. Ma liberté consiste à ne pas vouloir. Et on commence à entendre cela. Pas seulement, ça peut l'être un déni de la maternité, mais ça peut être aussi libre choix. Et c'est très difficile de faire le tri entre névrose qui dénie et liberté. Mais on peut très bien comprendre aussi que l'infirmière qui soigne, l'instit qui se dévoue à ses enfants, l'épouse qui est en situation de soins permanents avec l'époux, sont dans des situations de maternité symbolique. Et c'est cette dimension-là que nous devons développer aussi et qui n'est pas prise en compte quand on parle de parité performante, agressive et dominante. je pense à Saint-Jean de la Croix. Mm-hmm. La manière dont Saint-Jean de la Croix se parle au féminin, finalement, oui, que ce soit dans la vie flamme d'amour ou dans le cantique spirituel, vis-à-vis de Dieu. Et d'une certaine manière, on a l'impression que, je dirais, on touche, et là on trouve l'envers, de ce qui est souvent un fantasme masculin. Mmh. C'est-à-dire, pourvu qu'il n'y ait rien de féminin en moi. Mmh. Bon, qui est là aussi un fantasme très culturellement construit. Et on a l'impression que, justement, pour s'ouvrir à quelque chose qui est de l'ordre du croire, on a besoin de cette bisexualité psychique. En tout cas, on a besoin d'une capacité de régression qui nous conduit au père aimant et au sentiment océanique, mais pas seulement, pour aller vite, on va dire cela. Et l'éducation machiste, virile, qui n'est pas seulement un apanage de l'Occident, on le voit dans d'autres cultures aussi, l'homme guerrier, l'homme performant, etc., a tendance à refouler cette dimension-là. Et les hommes en ont peur d'être, parce que ça renvoie à l'homosexualité masculine, à la passivité, à être réduit à des femmes, femmelettes, et tout ce que vous voulez. Et du côté féminin, c'est vrai aussi que la bisexualité psychique est revendiquée presque par des mystiques femmes. Je vous parlais de Sainte Thérèse d'Avila, et elle s'adresse à ses filles en disant « Soyez hommes, mes filles », ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas très ouverte, fémininement parlant, à recevoir l'autre en elle. Tout ça, en effet, conduit à essayer de faire dans une cure analytique un équilibrage optimal et pour chaque personne singulier de ces deux composantes. Alors précisément, je vais faire appel à Christian David, puisque je me rappelle un très beau chapitre qu'il écrivait sur ce qu'il appelle l'union des contraires. Bon, d'une certaine manière, il reprend Nicolas de Cuse, etc. Il y a une très très vieille tradition, mais dans laquelle il essaie de montrer que tenir deux positions, ce n'est pas forcément exclusif l'une de l'autre, et que au contraire, il faut maintenir la différence. Et que c'est en maintenant la différence, là, dans ce cas-là, masculin et féminin, que l'on arrive à une véritable entièreté, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas tomber dans une espèce d'indifférenciation, mais beaucoup plus, j'ai du masculin, j'ai du féminin, et j'assume les deux, tout en sachant bien que c'est précisément leur tension qui crée une dynamique, d'une certaine manière. Le psychanalyste ou la psychanalyste fait cela. Je discutais avec un ami récemment autour de la question de la paternité, la fonction paternelle. Quand je suis dans mon rôle d'analyste, j'assume la fonction paternelle pour mes patients, très souvent, au moment, à partir de ce tourniquet qu'est le transfert. Que je sois homme ou femme, à un moment donné, l'analyste assume cet axe, que ce soit le père de la préhistoire individuelle dont je parlais ou le père édipien, ce qui n'empêche pas qu'à d'autres moments le côté contenant, régressif, au bord du narcissisme primaire joue aussi. Homme ou femme, je le suis dans mon travail d'analyste, et évidemment à partir de là l'expérience de l'analyse, que ce soit l'expérience du divan qui nous prépare à être analyste, ou l'expérience de l'interprétation dans la pratique de l'analyse, fait que, dans le meilleur des cas, combien y arrivent ces états de grâce, nous avons cette souplesse psychique qui fait que pour nous-mêmes, nous sommes papa et maman. Et ça nous permet peut-être d'avoir une souplesse dans la vie, à la fois dans la vie quotidienne, dans la vie des couples et dans la vie sociale, qui est d'un grand secours personnel, et je pense d'une grande utilité publique, qui est très difficile à faire reconnaître, parce que ce sont des mouvements secrets de l'âme, de la psyché qui se joue là, et que dans une société spectaculaire, il faut être très quelque part arrogant et percutant, et ces subtilités-là ne passent pas. D'où le fait que l'analyse est un peu discréditée, on veut nous remplacer par le Prozac ou par carrément le recours à telle ou telle religion, mais je trouve qu'on est sur une crête très subtile et qui est peut-être le lieu le plus précieux de la sécularisation. Je Julia Kristeva, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises que la psychanalyse est enfant, si l'on peut dire, du siècle des Lumières, et à quel point ça avait marqué Freud. Et je me dis, est-ce que dans le siècle des Lumières, quand même, on n'a pas privilégié un aspect plutôt qu'un autre, dans la mesure où dans le siècle des Lumières, je pense évidemment à quelqu'un comme Rousseau, et à ce qu'on appelait les pré-romantiques, qui sont quand même des gens du siècle des Lumières, il y avait quand même beaucoup de croire aussi. Oui, mais écoutez, moi, comme je vous dis, je travaille sur Thérèse et Davila, et je suis même avant. Les Lumières ont été préparées par la Renaissance, par le XVIIe siècle. Tout cet humanisme qui émerge avec Erasme, c'était des croyants, c'était des théistes. Ce que je dis dans un entretien avec le journal de Notre-Dame, c'est qu'il me semble important que l'humanisme, qui est l'enfant rebelle du judéo-christianisme, reconnaisse ses dettes et les travaille, de manière à refaire cette généalogie, à la vivre en permanence, et d'assurer une sorte de presque de coprésence avec les forces les plus ouvertes des religions, dans une sorte de solidarité face à ces croyances qui existent quand même encore aujourd'hui et qui se durcissent par l'appel au meurtre, par exemple. Le terrorisme. C'est le problème qui se pose, parce que bon, on a été habitué dans notre tradition, et particulièrement dans la tradition médiévale, à penser qu'il y avait une sorte de couple antithétique et dialectique en même temps entre, je dirais, la foi d'une part, la raison de l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut en rester uniquement à cette manière de poser le problème? Moi, je me suis permis quelques impertinences en critiquant le débat entre Habermas et Ratzinger, qui consiste, je résume encore schématiquement, à maintenir cette différence et à appeler à une sorte de refonte. Comme si ces messieurs avaient oublié que depuis la fin du XIXe siècle au moins, deux courants de la pensée occidentale ont essayé de déconstruire cette dichotomie et de créer des formes de pensée qui ne sont ni foi ni croyance, mais les deux ensemble et autrement articulées. Je pense au développement de la phénoménologie de Heidegger et des penseurs français récents, et je pense au freudisme. Freud n'est pas que de la raison pure et de la foi pure. Il est constamment dans l'entre-deux. Le discours analytique, le discours du patient en tant que récit d'anamnèse, est-ce qu'il est savoir ou est-ce qu'il est foi? Cette narration est les deux à la fois. Mais ça se trouve déjà chez Thérèse. Elle dit « j'ai fait cette fiction pour donner à comprendre ». La fiction qui comprend manie la foi et la raison. L'interprétation analytique est aussi un savoir, mais qui se donne à travers le transfert et le contre-transfert, où la foi dans l'autre est mobilisée et en même temps en permanence interrogée. Donc n'ignorons pas cette Europe sécularisée, elle n'est pas si fragile que cela, elle propose des formes de pensée qui, sous leur apparence de fragilité, sont d'une grande subtilité. Mais je vais vous poser une question qui va peut-être vous étonner, Julia Kristeva, mais est-ce que d'une certaine manière, une véritable dialectique réelle entre la raison et la foi ne se trouverait pas du côté de l'amour? Je veux dire, de l'amour, on en connaît toutes les dérives, on en connaît tous les aspects névrotiques qui peuvent se déclarer, mais est-ce que dans ce que quelqu'un comme Jacques Lebrun appelle le pur amour, nous n'avons pas quelque chose dans lequel à la fois c'est de l'ordre de la connaissance, c'est de l'ordre d'un savoir sublimé, si on peut dire, et en même temps c'est de l'ordre d'un croire, mais d'un croire qui lui aussi est très épuré? Le mot d'amour est extrêmement polyvalent, et ça fait déjà 20 ans que je me suis permis d'entrer dans l'histoire de ce mot. Le pur amour, moi, ça me renvoie plutôt à Fénelon et Guyon, et je dois dire que je préfère Saint-Jean et Thérèse, parce que je trouve que c'est plus charnel et plus intense et en même temps plus actif dans le monde. Mais je suis à la limite d'accord avec vous. La foi est basée sur l'amour, c'est pourquoi je parle de cette relation mère-enfant et père de la préhistoire individuelle, où c'est l'investissement dans l'autre qui est au fondement de la relation et qui est le fondement du lien amoureux aussi que nous observons. Le problème, à partir de là, c'est de pouvoir accompagner cet amour d'interprétation et non pas de la seule fusionnalité. Oui, mais justement, parce que je pense à la manière dont Freud parle de l'amour du prochain, qui va être repris par Lacan, qui d'ailleurs va varier à plusieurs reprises sur ce thème. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le véritable amour n'existe pas s'il n'y a pas de l'altérité. Alors, Freud reprend ce texte, cette histoire d'amour qu'il retrouve dans la Bible et dans les évangiles et que saint Thomas d'ailleurs va élaborer, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, en disant que c'est impossible, il n'y a que les mystiques qui font cela. Il a oublié peut-être les mères, y compris quand elles sont sorcières, il y a de l'amour là-dedans et l'agressivité, y compris chez la mère la plus criminelle, est une agressivité contre elle-même. On est là dans des zones de psychose très difficiles. Mais dans l'amour, ce qui intéresse le développement de la psyché humaine, c'est en effet les retrouvailles avec l'autre en tant que lieu de perte, mais aussi lieu de renaissance. Et c'est ça qui se joue dans une histoire amoureuse. La capacité de s'engloutir, comble de la jouissance, c'est la capacité aussi d'émerger dans une autonomie libertaire et libérante de moi et de l'autre. Et donc, dans ce sens encore, la psychanalyse est très redevable à la tradition juive et chrétienne, à condition de la revisiter et de continuer à l'élucider infiniment. Mais de ce point de vue-là, est-ce que la reconnaissance de l'altérité ne passe pas par la reconnaissance de l'altérité en soi ? Puisqu'on parlait tout à l'heure de la bisexualité psychique, vous rappeliez la parole de Sainte Thérèse, soyez des hommes, mes sœurs, mes filles, mais en même temps, on peut se rappeler aussi la parole de Maître Eckhart, c'est-à-dire il n'y a pas d'homme de désignation plus noble que celle de femme. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir une sainte qui fait appel à la masculinité et de voir un homme qui fait appel à la féminité. Oui, mais cette altérité, elle est pour en arriver à la conscience de cette altérité, pour pouvoir la dire et l'apaiser, pour faire de cela une vie sociale, il faut l'aide de la parole et d'une conscience guidante, d'une conscience réfléchissante. D'où l'importance pour ces mystiques des Écritures et pour nous laïcs de ce que l'évolution de la philosophie a fait en aboutissant à Freud et sans doute à d'autres. Donc c'est cette élucidation qui me paraît extrêmement importante, qui passe par une altérité pensante. Puisque nous parlions de ce besoin de croyance, je voudrais d'abord signaler, dans les livres de la semaine, l'ouvrage de Martine Dulaet, Symbole des Évangiles, qui est publié, en inédit d'ailleurs, dans les collections du Livre de Poche. À quoi s'intéresse Martine Dulaet ? C'est au christianisme originel, celui qui s'étend du 1er au 6e siècle, et où elle montre comme il y a une extraordinaire importance de ce qu'elle appelle le Christ médecin et thaumaturge, c'est-à-dire en fin de compte le Christ qui fait des miracles. Et de ce point de vue-là d'ailleurs, on retrouve l'alliance extrêmement ancienne qui remonte même aux religions premières de l'humanité et sans aucun doute au chamanisme, l'alliance entre le souci de la santé et le besoin religieux, c'est-à-dire en même temps la parenté qu'il y a en latin entre les mots sanus, qui a donné la santé, et le sanctus, c'est-à-dire ce qui a donné le saint, On retrouverait d'ailleurs une racine indo-européenne qui renvoie au sacrifice, à la castration, etc. Et comment, d'une certaine manière, à travers l'étude qu'elle mène des images, surtout celles que l'on trouve sur les sarcophages des premiers chrétiens, en se rappelant évidemment que le sarcophage, sarcos phagein, c'est ce qui mange la chair, ce sont des images de ce christianisme primitif où sont mises en scène des guérisons, des résurrections, non seulement la résurrection du Christ, mais aussi celle de Lazare, par exemple, ou de la fille de Jaïr, ou aussi le thème de la multiplication des pains, c'est-à-dire le principe même de la vie, ou encore les noces de Cana, c'est-à-dire la multiplication du vin, et on voit bien comment là nous avons l'alliance du pain et du vin, ce qui allait devenir, tel que ça a été codifié ensuite par l'Église telle qu'elle s'est instituée, ce qui allait devenir l'Eucharistie. Et on voit très bien de ce point de vue-là, comme il y a ce souci de la vie éternelle, évidemment lorsqu'on meurt ce n'est pas étonnant, mais comment il y a même en même temps dans le salut cette ambiguïté, ou plus exactement cette ambivalence de sens, c'est-à-dire que le salut c'est à la fois le salut de la maladie, la manière dont nous guérissons, nous avons là le Christ médecin, et en même temps dont nous débouchons dans les domaines de la vie éternelle, de l'immortalité de l'âme, nous avons le Christ spirituel. Et sans aucun doute, le miracle est souvent un point d'articulation, un point de bascule entre ce qui est de l'ordre de la médecine et ce qui est de l'ordre de la spiritualité. Ne va pas t'imaginer, toi qui entends raconter maintenant ce qui s'est passé chez les anciens, que tout cela ne te concerne pas. De manière mystérieuse, tout s'accomplit en toi. Origène sur Josué. Et puisque nous parlions de ce besoin de croire, mais on sait qu'il y en a eu beaucoup de déclinaisons, et en particulier on le trouve hors de notre tradition, c'est-à-dire hors de la religion chrétienne, et je voudrais attirer l'attention de ce point de vue-là sur la réédition aux éditions Hachette, en format de poche dans la collection plurielle, de l'ouvrage fondamental de Robert Graves, Les Mines grecques. Un ouvrage d'ailleurs qui est, si l'on peut dire, tout à fait régulièrement épuisé, que l'on a sans arrêt besoin de redonner au public afin qu'il puisse comprendre ce que sont ces mythes grecs que généralement nous croyons connaître, mais on voit à travers tout le travail extrêmement profond de Robert Graves comment, en fin de compte, nous ne les connaissons pas tellement bien et comment Robert Graves, lorsqu'il prend ce qui est, si l'on peut dire, les versions reçues du mythe telles que nous les imaginons encore, essaie de remonter à ces strates les plus anciennes, de voir ce qui leur a donné lieu et de nous faire comprendre, en fin de compte, de nous faire pénétrer le plus profondément possible dans la manière dont les Grecs avaient commerce avec le monde, avaient commerce avec les dieux et d'une certaine manière s'inscrivaient dans ce qu'on pourrait appeler l'ordre de l'univers. D'après les mythes de Thésée et d'Héraclès, la grande prêtresse d'Athéna à Athènes et celle de Héra à Argos appartenaient à un clan du lion, où elles avaient des rois sacrés. Sur une bague en or de Tirinthe, on peut voir quatre hommes lions offrant des vases de libation à Héra, puisqu'un coucou est perché derrière son trône. Et puisque nous sommes passés à la civilisation grecque, je voudrais saluer aussi l'étude de Marie-Catherine Huet-Brichard, Dionysos et les Bacchantes, aux éditions du Rocher. Nous retrouvons là, bien entendu, une réflexion sur les liens entre la violence et le sacré, tel que l'a développé, par exemple, quelqu'un comme René Girard, mais en même temps une réflexion sur la volonté de divinisation de l'homme, car c'est bien cela aussi que nous dit Dionysos, et une interrogation sur les rapports entre l'identité et l'altérité. Puisque Dionysos, lorsqu'il revient à Thèbes, évidemment nous réfléchissons beaucoup dans cet ouvrage sur la tragédie d'Euripide, Dionysos, lorsqu'il revient à Thèbes, donc, est considéré comme le dieu étranger, le Xénios, alors même que l'on sait qu'il est thébain d'origine, il est le fils de Sémélée, qui est elle-même la fille de Cadmos, c'est-à-dire celui qui a fondé la cité de Thèbes. Et où donc on voit qu'il y a à la fois du même et de l'autre, il y a à la fois du masculin et du féminin, comme s'il y avait une sorte d'union des contraires dynamique à l'intérieur de sa personne. Dionysos suscite dans le même temps incompréhension et adhésion, folie et sagesse. Il est en puissance le même et son contraire, et se prête du fait même à l'exégèse. Le dieu masqué cache en lui-même la clé de son énigme. Enfin, peut-être pas exactement dans le même ordre d'idées, mais au moins dans le même horizon culturel, je voudrais signaler l'apparition, aux éditions Omnibus, d'un ensemble intitulé « Mourir pour trois », qui reprend les grandes pièces du théâtre grec, de la tragédie, les grandes pièces de Eschyle, de Sophocle, d'Euripide, qui tournent toutes autour de la guerre de Troie, ou bien de ses conséquences. C'est ainsi que l'on trouve les Coéphores ou les Euménides d'Eschyle, ou l'Électre de Sophocle, qui s'intéresse évidemment aux enfants d'Agamemnon, et la manière dont va être vengé le meurtre de Clytemnestre au retour de la guerre de Troie, ou alors avec Euripide, si l'on peut dire, l'éventail quasiment complet, avec aussi bien Iphigénie à Aulis, le sacrifice de la fille d'Agamemnon pour que l'expédition de Troie puisse avoir lieu, ou Iphigénie en Tauride, la manière dont elle est sauvée par la déesse, ou les Troyennes, ou, bien entendu, Hélène et Oreste, et, éventuellement, cette pièce si mystérieuse qu'est Hélène, qui nous explique, d'une certaine façon, que la guerre de Troie a eu lieu pour rien, puisque ce n'était que l'Agalma, l'effigie d'Hélène qui était à Troie, Hélène étant elle-même en Égypte. Et là, nous avons une espèce de panorama complet de la manière dont la tragédie s'est emparée précisément de la guerre de Troie et nous fait réfléchir sur cette violence brute, cette violence pure dont Simone Veil nous rappelait dans la source grecque que c'est en même temps tout l'éclat de la grande épopée grecque d'origine. Je viens de la caverne des morts et des portes de l'ombre où habite Hadès, loin du séjour des autres dieux. Je suis Polydore. Ma mère est Hécube, fille de Cicéos, et mon père est Priam, qui m'envoya secrètement de la terre troyenne dans la maison de son hôte Thrace, Polymnestor, qui ensemence la plaine de la Chersonèse où nous voici. Euripide, Hécube. Les livres aujourd'hui, Symboles des Évangiles de Martine Delahaye en édition de poche. Une réédition des Mythes grecs de Robert Grave chez Hachette dans la collection Poche Plurielle. Dionysos et les Bacchantes de Marie-Catherine E.M. Richard aux éditions du Rocher. Et Mourir pour Troie, des textes réunis de Eschyle, Sophocle, Euripide aux éditions Omnibus. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Julia Kristeva. Mixage Michel Mestre, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.